Ils sont en bleu, en ensemble, et nous avons le droit de tout. Ils ont le droit de foutre en dessous. Ils ont le droit de tout. En bleu, on se fout. On se fout de tout. En bleu.